dans l'œil, ils ont pas tout foutu. Je les provoque une pitié pour ceux crevures. Au son de la guillotine, aiguisant les couteaux, la révolution est en marche, est en marche. Ben, je crois que Willow, c'est toi aussi qui m'as lancé dessus là maintenant. Là. Je crois que la prochaine fois que je reviens sur Ninjam, c'est pour chanter. Plus de guitare pour moi. Non, je déconne. Mais c'était bien fun. Merci, Bill. Hein. Franchement, j'ai vraiment apprécié. C'était super.